www.radiocampusparis.org. Et aussi, bien évidemment, vous pouvez l'écouter en différé. C'est sur le site de Radio Dieu, sur le site de la CNT42, vous pouvez trouver les podcasts. Alors, ce mois-ci, actualité chargée au niveau international, ça va être une émission qui va pas mal mettre l'accent sur les luttes internationalistes et la manière dont on les soutient depuis ici. Mais avant ça, on va parler d'un rassemblement qui a eu lieu jeudi soir. C'était un rassemblement à l'initiative du CTPEP, donc le Comité des travailleurs précaires et privés d'emploi, aussi appelé communément la CGT chômeurs précaires, qui ont organisé un rassemblement pour réclamer des nouveaux droits chômage et aussi pour l'abrogation des réformes nulles qui sont passées, de toutes les réformes chômage qui sont passées ces derniers mois, ces dernières années, qui pénalisent et précarisent beaucoup les privés d'emploi. Mais c'était aussi une manif qui avait cette particularité et particulièrement bienvenue et joyeuse d'être une manif offensive et d'être là pour réclamer des nouveaux droits pour les chômeurs. Voilà, ça c'est chouette. Et comme autre rassemblement qui a eu lieu récemment, cette dernière semaine sur Saint-Étienne, il y avait le rassemblement le 24 octobre pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Alors, Georges Ibrahim Abdallah, qui c'est ? C'est le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Ça fait 40 ans qu'il est enfermé dans les prisons françaises. Georges Ibrahim Abdallah est un militant communiste internationaliste libanais qui est accusé notamment de terrorisme et de participation à un attentat, puisqu'il fait partie du FPLP, le Front Populaire pour la Libération de la Palestine. Il est accusé de complicité dans un attentat qui a ôté la vie à un diplomate israélien il y a quelques dizaines d'années de ça. Sans preuve, ça fait 40 ans qu'il est enfermé dans les prisons françaises. Il est libérable depuis 1999, mais l'État français se refuse toujours à le libérer, et aujourd'hui il est devenu un symbole du combat anti-impérialiste, évidemment, du combat en soutien à la Palestine, mais aussi du combat contre l'arbitraire carcéral et l'arbitraire de la justice bourgeoise qui n'hésite pas à enfermer ses opposants politiques tout en faisant la morale aux pays qui le font également. Donc ce rassemblement, c'était chouette, il y avait du monde, ça faisait plaisir, et c'était seulement un avant-goût et une avant-première de la manif nationale qui a eu lieu à Lannemezan deux jours plus tard, c'est-à-dire le 26 octobre. À Lannemezan, pourquoi ? C'est parce que c'est là-bas qu'il est enfermé, prison de haute sécurité qui accueille les prisonniers politiques. C'est là-bas que Jean-Marc Rouillant a été incarcéré pendant pas mal de temps aussi, militant d'Action Directe, connu pour avoir tué deux, trois patrons au passage. C'est du coup au milieu des Pyrénées, loin des villes qui sont enfermées, et que chaque année, des quarts de toute la France de militants viennent affirmer leur soutien en bas de la prison, taper sur les grilles, faire du bruit et réaffirmer leur soutien à Georges Ibrahim Abdallah et l'exigence qu'il soit libéré enfin. Il y a un camarade qui va nous appeler sur le standard de Radio Dieu pour nous raconter tout ça. Du coup, j'essaie de pas trop en dire pour ne pas prendre trop d'avance sur ce qu'il va nous raconter. Faut combler là en studio. Est-ce que vous avez des trucs à dire ? Ok, on va lancer une musique, c'est parti. Alors, on va lancer une musique qui s'appelle De Internationale, d'un groupe de punk indonésien qui s'appelle Antimilitary. Voilà, c'est dans le thème. Les paroles, ça dit un truc en mode oui, il faut faire la lutte, elle est internationale, les prolétaires n'ont pas de frontières et tout ça et tout ça. Et à bas l'armée, à bas l'impérialisme et à bas les colons. Voilà. We'll be right back. Allô, allô? Bienvenue sur Radio Dio, Cœur Noir Tripalium, l'émission des syndicats CNT. Est-ce que tu m'entends? Bon, on t'entend pas à la radio. On va tenter un truc. Alors... Chers auditeurs, chères auditrices, c'est les aléas du direct, ça peut ne pas fonctionner, mais on tente des trucs, on est des oufs, on est des révolutionnaires, on n'a pas peur du changement. Oh là, on t'entend. Trop bien. C'est bon là? Ouais. Ah bon. Ok, ben salut. Donc, tu m'as demandé d'intervenir pour parler de cette journée du 26 octobre 2024, l'Anne-Meuson. Je crois que tu as parlé déjà du 24 octobre. C'est vrai que c'était quelque chose cette année, un peu partout dans toute la France. Moi, je suis pas du tout à Saint-Étienne. Je suis loin, là. Je suis de l'autre côté du Massif central. Et même dans mon coin, il y avait eu le 24. On avait fait une action. Donc c'est une sous-préfecture, mais bon, il y en a eu dans toute la France. Donc cette année, c'était important parce que ça fait 40 ans que Georges est en prison. Et que il est libérable depuis maintenant, si je me trompe pas, plus de 19 ans, mais à chaque fois c'est refusé, ou quand c'est accepté sa libération, puisque s'il est libéré, il doit être expulsé vers le Liban, qui est son pays, puisque Georges est libanais. Et la dernière fois, c'était avec un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Manuel Valls. Sa libération avait été signée, mais l'expulsion avait été refusée. Donc, ce qui fait que Georges était resté en prison. Je crois que c'est arrivé deux fois depuis qu'il est en prison. Pourquoi je précise un peu ce que tu dis tout à l'heure. Georges est condamné non pas parce que c'est un meurtrier, parce que lui, il a toujours nié d'avoir participé. Un attentat qui visait les personnalités comme l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis, qui était au passage un agent de la CIA, et puis un fonctionnaire israélien du Mossad, dont le service secret israélien, qui était à Paris, et tous les deux ont été assassinés donc par les FARL. Les FARL, c'était les fractions armées révolutionnaires libanaises à l'époque, qui soutenaient la cause palestinienne, bien évidemment. Georges a été arrêté et condamné au début parce qu'il était arrêté avec un vrai faux passeport algérien. Et donc depuis, il est en prison. On peut signaler aussi au passage que c'est un peu son premier avocat plus tard a déclaré qu'il faisait partie aussi des services spéciaux, des services secrets français. Donc c'était pas clair. Bon, c'était une parodie de procès. Et il y a même après, par la suite, des choses qui ont été dites sur lui, des armes qui ont été retrouvées, mais c'était tout à fait un coup monté. Je sais plus en tête qui, je sais pas si c'est pas le procureur ou quoi, qui après aussi a fait une sorte de mea culpa, de retour sur l'histoire pour dire que c'était un coup monté, quoi. Enfin, toujours est-il que Georges, c'est un symbole au-delà de ça, donc c'est pas tant l'individu qui reste en prison, enfin si, bien sûr, pour lui, mais c'est aussi le symbole parce que c'est un symbole de la résistance et puis surtout que Georges a toujours s'est toujours déclaré solidaire des luttes militantes radicales et il a toujours exprimé son soutien aux fractions armées révolutionnaires libanaises. Donc 82, juste pour préciser aussi, c'est une année spéciale puisque ça va vous rappeler quelque chose, mais Israël, Vin Tzahal, envahit le sud Liban avec une opération qui s'appelle Paix en Galilée, avec bien sûr à l'époque c'était l'administration Reagan qui ne dit rien, super, enfin faut protéger bien sûr Israël. Et l'opération Paix en Galilée, c'est donc, à l'époque, c'était pour capturer ou tuer Yasser Arafat, puisque c'était le but de l'opération, c'était anéantir l'OLP, à l'époque, l'Organisation de Libération de la Palestine. Donc 40 ans plus tard, et ben, après avoir détruit Gaza et massacré la population palestinienne, et maintenant Israël attaque une nouvelle fois le Liban pour cette fois-ci anéantir, soi-disant, le Hezbollah et tuer ses leaders. Ça, c'est une partie qui a été faite. Voilà, donc cette année, ben, il y avait, 4000 personnes environ, on était. Bon, il y avait un peu de pluie cette fois-ci, mais je crois que si je me trompe pas, ça devait être la 13e année, 13e rassemblement à Lannemezan. Et ben, c'est toujours bien. Là, on attend donc le mois de novembre, ben, ça y est, on y est, mais je pense que, je vois, de mémoire comme ça, c'est vers le 7 novembre où on doit avoir un peu des nouvelles de cette demande de libération. Et ben voilà, en attendant, c'est là, mais de toute façon, la lutte continue. Et puis, cette lutte, Georges l'a menée en solidarité avec le peuple palestinien. C'est aussi une lutte contre tout le sionisme génocidaire, tout le peuple libanais, et on pourrait rajouter aujourd'hui les peuples opprimés comme les Kanaks. Voilà. Je sais pas si tout m'a été passé, mais voilà ce que j'avais à dire. Bah, c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir appelé, d'avoir accepté de participer à l'émission. Ok. Et ben, bonne fin d'émission. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Bonne lutte et merci encore. Ciao. Voilà donc pour Georges Ibrahim Abdallah. Le camarade nous a fait un super exposé, merci à lui. Et maintenant, on va passer à d'autres actualités internationalistes avec un camarade qui va nous parler de ce qui se passe au Chiapas. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je suis de la section internationale de la CNT de Saint-Étienne. Et donc, ce soir, j'aimerais vous parler des luttes qu'on dirait en bas et à gauche, donc des luttes pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Et donc, effectivement, on va parler dans un premier temps de l'actualité au Chiapas. Alors, il y a eu, le mois dernier, on avait fait une explicitation de ce que c'était que ce soulèvement au Chiapas et ses communautés organisées. Pour celles qui n'auraient pas été là à ce moment-là, juste un petit point de contexte. En gros, c'est des communautés indigènes zapatistes. Actuellement, elles sont 250 000 qui, le 1er janvier 1994, se sont soulevées. Et depuis, elles vivent en fait, elles vivent sous une forme d'autonomie avec une démocratie très avancée. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant avec l'actualité aujourd'hui, c'est non pas de voir... déjà, c'est de voir pourquoi on parle de soulèvement, justement, et pas de révolution. Il n'y a pas une révolution et après le paradis, en fait, il y a eu un soulèvement et tout un tas d'événements contre-insurrectionnels de la part de l'État mexicain et de la part des narcos. Alors malgré tout, l'autonomie, elle dure. Là, ça va faire 30 ans. Ils ont fêté leur 30 ans le 1er janvier 2024. Et IELTS continue à lutter malgré un contexte d'aggravation des violences. Et ça, malgré l'élection de Claudia Sheinbaum, la nouvelle présidente du Mexique, qui est pourtant en faveur du féminisme, qui est pourtant en faveur des communautés indigènes. Mais son élection, c'est un peu l'équivalent de France Insoumise ici, on dirait. Et malgré son élection, en fait, la situation s'est même aggravé au Chiapas. Alors, pour vous faire un petit point des luttes, vous savez, au Chiapas, il y a le gouvernement mexicain, évidemment, mais il y a aussi des communautés autonomes zapatistes qui sont organisées avec trois niveaux de gouvernement, donc des gouvernements autonomes locaux, des gouvernements municipaux autonomes, des gouvernements autonomes municipaux, donc qui rassemblent plusieurs communautés, et enfin des assemblées de collectifs de gouvernements municipaux qui ont remplacé les conseils de bon gouvernement depuis le début de l'année. Et là, au mois de, durant le mois d'octobre, en fait, il y a le gouvernement autonome local de la municipalité d'Ocotzingo, donc une communauté zapatiste, une des importantes bases d'appui zapatiste, qui a annoncé via ses porte-paroles que des groupes de personnes armées, en fait, se sont installées sur les terres zapatistes et continuent à s'installer. C'est des groupes de paramilitaires, alors soit d'extrême droite, soit des paramilitaires qui sont liés au narcotrafic. Et d'ailleurs, il y a des problèmes entre des complicités entre des trafiquants de drogue et les politiques et les politiciens au Chiapas. C'est une réalité qui est assez connue, qui est documentée par la FRAIBA, qui est une association de défense des droits humains qui agit à San Cristobal et dans l'état du Chiapas. Et donc actuellement, en fait, les zapatistes, qui sont un des modèles, si on veut, de démocratie libertaire les plus développées actuellement, en fait, elles se font harceler, terroriser, elles subissent des intimidations et des menaces. Et en fait, il y a des risques de déplacement de population. Alors, il faut savoir que de 2010 à 2021, il y a déjà 14 476 personnes qui ont dû en fait quitter leur communauté, quitter leur village, et tout ça parce que il y a soit des narcos, soit des paramilitaires qui arrivent sur les terres, qui construisent des cabanes, qui mettent même parfois des espèces de barrières, en fait, tout simplement. Et ça, avec comment dire, avec la complicité de l'État mexicain, tout simplement. Donc, moi, c'était simplement pour vous faire un petit point sur cette actualité-là, qui actuellement c'est vraiment intensifié. C'est-à-dire que là, les zapatistes, ils se retrouvent un petit peu au bord du précipice, hein, on peut dire ça comme ça. Et du coup, il y a une pétition de la FRAIBA que je vous invite à aller signer sur le site fraiba.org, FRAYBA. Qui demande en gros, alors déjà, au gouvernement de prendre des mesures pour garantir et pour protéger la vie et la sécurité des familles, qui sont quand même des familles zapatistes, qui sont exposées à de plus en plus de violences ces derniers temps. Également d'enquêter pour identifier les groupes responsables, pour les démanteler et pour les désarmer. Voilà, et notamment les complicités qu'il peut y avoir avec le gouverneur du Chiapas ou des politiciens locaux qui ont des liens, hein, c'est une forme de narco-État, et aussi de garantir et respecter l'autonomie et l'autodétermination des communautés zapatistes. Et c'est aussi montrer une certaine solidarité internationale. Comme on en avait parlé le mois dernier, si vous voulez soutenir les zapatistes, n'hésitez pas à venir acheter le café à la CNT, le café rebelle des zapatistes, qui sont produits sur les terres collectives, parce qu'ils font du travaux en commun, et c'est des travaux en commun qui vont ensuite bénéficier aux communautés, hein, puisqu'il y a une éducation autonome, une justice autonome, des cliniques autonomes. Donc, on en avait parlé le mois dernier. Je ne vais pas revenir sur le contexte, mais c'est quand même un modèle d'autogouvernement qui est très intéressant, un modèle et une approche du travail également qui est très intéressante. Et donc, actuellement, ils subissent en fait une vague de contre-insurrection des plus dures qu'ils ont dû à subir depuis le début du soulèvement le 1er janvier 1994. Hein. Il y avait une rencontre internationale, par exemple, qui était prévue en 2025. Les zapatistes font souvent des rencontres internationales. Ils étaient venus aussi en 2021 lors du Voyage pour la vie. Ils invitent pour des rencontres intergalactiques, des rencontres internationales de femmes en lutte, ce genre de choses. Et là, ils ont carrément dû annuler en fait cette rencontre internationale de 2025 à cause des violences qu'il y a actuellement. Et dernier point au niveau de ces violences, juste pour vous montrer à quel point ça a pu prendre des proportions importantes, le 20 octobre, en fait, il y a un évêque le père Marcelo, qui est un soutien du mouvement et un prêtre indigène, mais c'est un soutien du mouvement, il ne fait pas partie du mouvement, encore une fois, et qui est une figure de la lutte contre le narco-État au Mexique. Et il s'est fait assassiner dans une brutalité assez importante. Et là, il y a quand même une hausse du niveau de conflit et du niveau de violence. C'est-à-dire que je dis pas que c'est moins important qu'un paysan se fasse assassiner, mais on va dire que c'est plus fréquent, et que le fait que carrément un homme d'église, puisque l'église a une autre importance au Mexique que dans notre pays, se fasse assassiner, c'est vraiment le signe que les narcotrafiquants et leur complicité politicienne, on va dire, n'ont plus de limites. Ils osent même s'en prendre à des figures religieuses. Parce que voilà, le père Marcelo, c'est quelqu'un qui avait organisé, par exemple, un pèlerinage de femmes en 2014 contre la vente de drogue. À partir de ce moment-là, on l'a accusé d'être un guérillero et de faire. Alors qu'il est dans la non-violence, il n'est même pas dans la théologie de la libération. Hein. Et on l'a accusé d'être un guérillero, on l'a accusé d'être un zapatiste. Il y a même eu un mandat d'arrêt, hein, après, qui a été émis contre lui, tout ça parce que il a dénoncé la vente de drogue et le narcotrafic. Et en 2017, ce même père Marcelo, dont on salue la mémoire, faisait partie du mouvement indigène du Pueblo Crecente-Zoque en défense de la vie et du territoire contre des concessions minières et d'hydrocarbures sur 80 000 hectares, dont des terres zapatistes. C'est une lutte qui a été malheureusement perdue, mais il a fait partie de toutes ces luttes-là. Et par exemple, le 26 janvier 2021, il y avait des milliers de zapatistes qui sont venus dans San Cristobal et qui ont remis aux autorités, en fait, 19 hommes sur la place centrale, hein, ils les ont menottés, et 19 hommes qui avaient des liens avec le crime organisé, qui venaient dans les communautés terrorisées, qui venaient prendre des terres, qui ont des liens avec, a priori, les grands propriétaires terriens et les politiciens sur place. Et alors, ces 19 hommes n'ont même pas été inquiétés par la police, et ça a été la poursuite du mandat d'arrêt contre cet homme d'église, ce père Marcelo. Donc, malheureusement, il a été assassiné. Et juste pour vous faire comprendre un petit peu la situation au Chiapas, il vivait caché, hein, ce père Marcelo. Il était quand même assez connu. Et lors de sa dernière interview, au moment de son salut final, il avoue: je ne fais pas confiance à la police. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut un petit peu. Merci pour ce long exposé. Je ne sais pas si on m'entend. Très intéressant. Et ouais, le café Zapatiste, n'oubliez pas. À la 15 bis, à la Bourse du Travail, venez en acheter, il y en a plein. C'est un super café, et je vous pousse aussi à lire un texte qui s'appelle La Sexta, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, qui est un peu, entre guillemets, une sorte de sixième internationale, où les apatistes nous appellent, nous qui sommes dans des luttes en bas et à gauche, à nous auto-organiser de là où nous sommes, donc d'ici de Saint-Étienne, mais aussi de créer des réseaux de lutte internationale. Et donc ça, c'est important parce que, comment dire, des soulèvements qui permettent comme ça une démocratie libertaire aussi poussée, qui permet un partage des richesses aussi poussé, ça n'existe pas tous les jours. C'est évidemment des mouvements qui subissent de plein fouet l'attaque des États-nations, au Mexique, l'attaque des narcotrafiquants. Et nous, en Europe, évidemment qu'on doit s'organiser ici pour faire virer les Macron, les Michel Barnier, etc., et lutter contre le capitalisme. Mais ces révolutions-là, ces soulèvements-là, ils existent. Et évidemment, moi, je vous pousse à les soutenir, voire à les rejoindre. Hein. Je vous parlais le mois dernier de la Freiba et de cette possibilité de devenir brigadier d'observateurs internationaux pour pouvoir justement documenter en tant qu'occidental les violations des droits humains qu'on peut voir dans les communautés zapatistes. Et voilà, c'est une sorte de débouché d'action pour les personnes que ça pourrait intéressé tout simplement de participer à défendre les droits humains dans cette région du monde et à défendre un authentique soulèvement libertaire, j'ai envie de dire. Trop cool, bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et on va passer du coup aux actus de d'autres camarades en lutte, cette fois-ci au Rojava. Mais avant ça, on va écouter une petite musique qui s'appelle Heidi Barricata. Fırtınalarsa sarsıyor göğü Kara bulutlar kör eder gözleri Ölüm ve acı beklese de bizleri Onları yemek için yürümeliyiz ve En değerli varlığımız özgürlük Cesaret ve inançla savunmalıyız Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Kalplerimizle, kardeşlerimizle Tüm dünyada büyüyor direniş Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Kardeşlerimizle tüm dünyada büyüyor direniş Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barrikata, haydi barrikata Ekmek, adalet ve özgürlük için sur Radio Dio avec du coup des camarades de la jeunesse internationaliste qu'on va avoir au téléphone et qui vont nous faire un point sur la situation actuelle au Rojava. Pour celles qui ne connaîtraient pas du tout le Rojava, c'est une région du nord et de l'est de la Syrie qui s'est émancipée suite aux victoires militaires des Kurdes contre l'État islamique et qui vivent donc depuis sur un modèle d'autonomie, sur le paradigme du confédéralisme démocratique. Le confédéralisme démocratique, c'est un système politique confédéral, c'est un système politique sans État, où le pouvoir est divisé en trois instances, une assemblée politique, le Conseil démocratique syrien, dans lequel il y a une parité d'hommes et de femmes exacte, hein, c'est-à-dire qu'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes, et une parité ethnique également, c'est-à-dire qu'il y a nécessairement un un pourcentage d'Arabes, de Kurdes, de Yézidis, de Turkmènes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que chaque population ait sa voix au chapitre et un système économique qui est basé sur des coopératives. Du coup, cette autonomie, ce confédéralisme démocratique qui fait en sorte que ce sont les populations elles-mêmes qui se gèrent tout simplement, qui prennent des décisions politiques. Chaque groupe, hein, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les Kurdes, que ce soit des groupes ethniques ou religieux, a voix au chapitre et peut se faire entendre dans cette société-là. Voilà, ça c'est pour le confédéralisme démocratique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en interview la jeunesse internationaliste qui s'est développée en Europe et qui s'organise et qui défend les idées donc développées par Abdullah Öcalan, qui actuellement, ces idées sont appliquées dans les zones libérées dans le combat contre Daesh et qui aujourd'hui a donc laissé la place à l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie. Donc divisée entre trois pouvoirs, le Conseil démocratique syrien, cette administration du Nord et de l'Est de la Syrie qui représente en gros les coopératives et les services publics, et enfin le TEFDEM qui est composé de syndicats et d'associations de la société civile. Et donc actuellement, il y a le Rojava, la Fédération démocratique de la Syrie du Nord et de l'Est, subit des bombardements de la part de la Turquie. Et donc on a notre camarade qui va nous faire un point dessus. Est-ce que tu m'entends bien, Martin ? Oui, je vous entends bien. Bonjour à tous. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous présenter déjà, vous présentez-vous ? Oui, pas de souci. Nous, on est la jeunesse internationaliste. C'est un réseau de jeunes, en autonomie de jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il y a une limite d'âge fixée, mais ça veut dire qu'on essaie de valoriser le fait d'être jeune aussi dans les mentalités. Ça veut dire quoi être jeune et mettre en avant le côté aussi plus radical, avec plus d'espoir que peut avoir des fois la jeunesse et que peut porter dans les différents mouvements sociaux qu'on a vus et connus à travers aussi toute notre histoire révolutionnaire, dans lesquels souvent, très souvent, les jeunes ont eu vraiment un rôle d'avant-garde. Et internationaliste, du coup, parce qu'on se place dans une perspective internationaliste, on a envie de construire quelque chose à l'échelle internationale basé sur les principes qui sont développés par Abdullah Öcalan et qui sont mis en pratique au Rojava, du coup, dans l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie. Donc, c'est les principes du confédéralisme démocratique que tu as rappelé et qui, du coup, laissent un très grand pouvoir à la fois aux femmes dans la société et mettent aussi beaucoup d'importance à la question écologique. Comment est-ce qu'on met en pratique vraiment une société écologique, une socio-écologie, et aussi à l'autonomie démocratique, donc avec l'idée que toutes les prises de position, toutes les prises de décision doivent être faites à la plus petite échelle possible, à l'échelle d'une commune. Et du coup, on essaie de développer ça en Europe depuis maintenant quelques années. Oui, et donc c'est également inspiré par un anarchiste américain qui s'appelle Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire, il me semble, sur le pendant occidental, on va dire, de cette idée-là. Et donc il y a une actualité en ce moment au Rojava, une triste actualité, si j'ai bien compris. Oui, complètement. En fait, depuis le 23 octobre, il y a des bombardements assez lourds de la Turquie au Rojava qui se passent. Ces bombardements qui ont fait déjà du coup plusieurs morts, au total quelques dizaines de morts, avec de nombreux blessés. C'est les bombardements de la Turquie, du coup du régime kurde, qui bombarde directement les territoires qui sont dans l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie, ces territoires qui sont donc en Syrie et qui sont pourtant bombardés par l'État turc. Et pour comprendre pourquoi est-ce que l'État turc mène une telle politique, il faut vraiment revenir un petit peu plus loin dans l'histoire et voir à quel point la Turquie particulièrement, mais tous les États-nations sur lesquels se trouvent les Kurdes, mènent une véritable politique d'assimilation qui passe à la fois par l'extermination physique à certains moments et à la fois par l'assimilation culturelle, l'assimilation à travers le fait de faire oublier l'histoire, de faire oublier la culture, de faire oublier l'identité, de faire oublier les manières de faire société qu'avaient les Kurdes de la société, à travers du coup l'État-nation notamment turc. Et en fait, le 23 octobre, déjà du coup, depuis bien plus longtemps, le mouvement kurde est organisé et s'organise pour militer pour une autonomie du Kurdistan, l'autonomie démocratique du Kurdistan. Et dans ce cadre-là, il y a une lutte armée qui s'est engagée depuis les années 80 entre l'État turc et le mouvement kurde, qui est principalement représenté par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Et récemment, du coup, le 23 octobre, le PKK a mené une action à Ankara sur des bâtiments qui servent à l'industrie militaire turque. Et cette action qui a fait du coup qui a fait beaucoup de bruit médiatiquement et qui a eu pour but de mettre un petit coup au moins médiatique et symbolique à l'industrie d'armement turque, qui est vraiment une très grosse industrie. Il faut savoir que la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, représente la deuxième armée de l'OTAN en termes de nombre de personnes et aussi en termes de structure militaire. Et voilà, la Turquie a développé vraiment de nombreuses armes, notamment par exemple des drones qui sont utilisés maintenant depuis plusieurs années contre la guérilla. Et donc c'est contre ces industries-là que le PKK a mené cette action militaire à Ankara, dans la capitale de la Turquie. C'est vraiment un coup fort symbolique qui est porté à l'État turc, parce que aller au cœur de la capitale turque pour mener cette action-là, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Si on se penche un peu sur la situation militaire et de la répression en Turquie. Et du coup, à la suite de ça, l'État turc a décidé de bombarder très largement le nord et l'est de la Syrie. Ces bombardements, ils n'ont pas pour but direct d'attaquer physiquement les personnes. Effectivement, il y a des morts et ça fait aussi partie de la stratégie. Mais la principale stratégie, c'est d'attaquer les endroits sensibles qui permettent à la société de s'organiser et qui permettent au confédéralisme démocratique d'être appliqué. Quand on parle de ces endroits stratégiques, c'est par exemple les silos à grains, c'est par exemple les hôpitaux, c'est par exemple les routes, c'est par exemple les postes électriques. C'est tout ce qui fait que la société peut avoir un semblant d'autonomie matérielle, alors qu'ils sont pourtant sous embargo quasi total de la Syrie, de la Turquie et de l'Iran, qui sont les pays limitrophes. Oui, donc, sachant voilà. Que tu parlais de l'attaque qu'a organisée le PKK en Turquie, cette attaque, elle vient aussi répondre au bombardement qui n'était pas aussi massif, mais qui existait malgré tout depuis que la Fédération démocratique de Syrie du Nord existe. Effectivement, hein, c'est des attaques de centrales pétrolières, de silos à grains, d'hôpitaux, donc de tout ce qui permet à la population de pouvoir avoir une vie décente et de pouvoir s'auto-organiser. Et ça, si j'ai bien compris, c'est aussi en lien avec le grand penseur des luttes autour du confédéralisme démocratique, donc Abdullah Öcalan, qui est enfermé depuis 25 ans sur une île prison à Imrali par le régime turc. Et donc, si j'ai bien compris, ça faisait 3 ans que nous n'avions pas de nouvelles d'Abdullah Öcalan, et il y a eu des nouvelles récemment ? Exactement, oui. En fait, la situation en ce moment pour le mouvement kurde, elle est vraiment très très particulière, et c'est vraiment très important dans le contexte actuel de s'y pencher. Et alors que Abdullah Öcalan, comme tu l'as dit, est emprisonné depuis deux décennies et demie sur l'île prison d'Imrali, et qu'on n'avait aucune nouvelle depuis 43 mois, donc plus de 3 ans, ce même jour, le 23 octobre, donc c'était deux événements qui sont arrivés en fait de manière pas synchronisée, mais ce 23 octobre, l'État turc a accepté une visite de son neveu, qui est aussi son avocat, Ömer Öcalan, qui a eu la possibilité de rencontrer Abdullah Öcalan, de le revoir, de discuter avec lui, et de prendre du coup connaissance de son état. Et c'est quelque chose qui est vraiment demandé par toute la communauté kurde, et c'est quelque chose pour lequel une campagne était en cours et est toujours en cours depuis un an, depuis le 10 octobre 2023, pour demander la libération physique d'Abdullah Öcalan et une solution politique pour le peuple kurde, qui sont deux demandes qui sont évidemment très très liées. Donc voilà, ça intervient dans ce contexte-là. Bien sûr, et si jamais le public avait envie de s'informer, de soutenir, de rejoindre, est-ce que tu peux nous donner peut-être, je ne sais pas, des pistes, des sites internet, même des Instagram? Oui, et ben nous on a un Instagram, comme tu dis, Jeunesse Internationaliste, c'est tout accroché et en minuscule sur Instagram. On publie aussi une revue internationaliste qui s'appelle Legerin, ça veut dire la recherche en kurde, et qui vise à mettre en lien toutes les luttes autour du monde qui peuvent se reconnaître dans cette perspective communaliste, cette perspective confédéraliste. Dont les luttes au Chiapas. Comment ? Dont les luttes au Chiapas, je suppose. Oui, complètement. Du coup, en lien aussi avec les luttes au Chiapas. D'ailleurs, ce journal avait d'abord été créé, avant d'être à vocation vraiment mondiale, il a été créé pour les luttes particulièrement en Amérique centrale et Amérique du Sud. C'est pour ça que le site internet s'appelle Revista Legerin. Vous pourrez chercher R-E-V-I-S-T-A et Legerin, L-E-G-E-R-I-N. Et voilà, avec ce magazine qu'on publie en maintenant 7 différentes langues. Très bien, merci beaucoup Martin. Et donc ce magazine, il est disponible à la librairie l'une et l'autre. N'hésitez pas à venir le chercher, il est disponible à prix libre. Et nous, la section internationaliste de la CNT, il nous arrive d'organiser des événements en lien avec le Rojava et la Fédération démocratique de Syrie du Nord. Donc si, et du Syrie du Nord et de l'Est, donc si toutes ces luttes vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous en parler à la section internationale de la CNT. Merci beaucoup pour nous avoir donné la possibilité d'exprimer en quelques mots la situation vraiment très, très chaude en ce moment de l'actualité au Kurdistan turc. Bah, merci beaucoup à toi pour ton passage et on espère tout simplement que les solidarités internationales, nous qui sommes ici, on peut faire pression sur le Parlement européen, sur d'autres institutions, déjà pour la libération d'Öcalan, mais également pour faire pression sur la Turquie, si je comprends bien, qui fait bien partie de l'OTAN. Donc ce serait ça notre rôle à nous en tant qu'Occidentaux, juste pour un dernier mot. Oui, complètement, c'est ça notre rôle et il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire ici depuis l'Europe, depuis la France, parce qu'effectivement toutes ces puissances, elles sont en lien. La première chose, bien sûr, c'est de s'informer. Et aussi, j'en profite pour glisser un mot à propos d'une manifestation massive. On attend environ 10 000 personnes à Cologne, en Allemagne, le 16 novembre. Donc voilà, la suite de tous ces événements, vraiment une grande manifestation qui sera aussi l'occasion de se rencontrer et pouvoir réclamer haut et fort une solution politique pour le Kurdistan et la libération physique d'Abdullah Öcalan. Eh bien, merci beaucoup à toi, Martin. On espère t'accueillir à nouveau à un autre moment, peut-être plus heureux et moins triste que les contextes de bombardement qui est actuellement. Mais je te remercie d'être venu nous faire un petit point sur ce qui se passe actuellement à la Fédération démocratique de Syrie du Nord et de l'Est. Hein. Complètement. À bientôt peut-être et merci beaucoup pour ces quelques minutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Et maintenant, on va passer une petite musique qui s'appelle Keçe Kurdan, qui est une musique assez emblématique de la lutte historique des Kurdes qui vivent sur les États turcs et syriens pour leur libération, par Aynur Togan. Kurdanım, şehrinim, şehrinim, hediye merdanım. Et vous êtes toujours sur l'émission. On m'entend ? Ouais, ok, super, pardon, j'ai eu un doute. Toujours sur l'émission Corner Trépanium de la CNT. Et après ces échanges très intéressants, on va faire un petit point agenda. Agenda local. Alors, premier point à l'agenda, il y a un super goûter de soutien le 8 novembre à la Cale, ouais, merci. L'Amicale Ligue du Crédroc, c'est un goûter en soutien aux familles de l'école des Frères Chap. Donc il y a plusieurs familles qui sont hébergées par ce comité de soutien et qui ont grandement besoin de soutien financier pour pouvoir rester dans leur logement, pour payer les factures, tout ça. Donc le goûter de soutien est de 16h30 à 19h. Il y aura des animations, il y aura des crêpes, des choses à boire. Et un super jeu surprise aussi. Venez et vous découvrirez le super jeu surprise avec un petit lot à gagner. Donc voilà, ça c'est vendredi 8 novembre, 16h30-19h à la Cale et vous avez toutes les infos sur le numéro 0. J'enchaîne ensuite avec le week-end du 9-10 novembre. Le week-end du 9-10 novembre. On aura un week-end d'autodéfense féministe organisé par le collectif d'autodéfense féministe de Saint-Étienne. Donc ça se passe à l'Amicale Laïque de Villebeuf et le collectif fête ses 10 ans en organisant donc un week-end d'échange et de pratique. C'est en mixité meuf Gwyn Trans. C'est pour les personnes débutantes, de débutantes jusqu'aux pros de l'autodéfense féministe. Et donc, pour s'inscrire, il faut envoyer un mail à autodéfenseféministe42, tout attaché, @riseup.net. Et donc, dire hey, « Eh salut, j'aimerais bien m'inscrire pour une demi-journée, deux jours. » Voilà, on peut un peu moduler. C'est un week-end en autogestion, donc ça va être super chouette. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors sur ce même week-end, on a plein de choses à faire. Malheureusement, il faudra faire des choix. Le samedi 9, comme tous les deuxièmes samedis du mois, on a le petit resto vegan à la Gueule Noire, qui sera en soutien à la Gueule Noire. Et le soir, toujours à la Gueule Noire, à partir de 19h jusqu'à plus tard, on aura une soirée de soutien à la Gueule Noire avec notamment une exposition, l'ouverture de la bibliothèque Lérissé et suivi de plusieurs concerts, notamment les Confetti Malaise, les Falling Waves et la Heimlich. Le dimanche, à la MJC des Tilleuls, à partir de 10h, on aura les rencontres antimilitaristes. Donc au programme toute la journée, des discussions sur la guerre, sur le SNU, autour de Frontex, de l'industrie de l'armement en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça se terminera par l'agent antimilitariste avec le midi et le soir des repas à prix libre. Vous trouverez toutes les informations sur le numéro 0. Cool, merci pour cette info. Je vais continuer avec une info pour le 13 novembre. C'est ça la suite ? Ouais. Le mercredi 13 novembre, le collectif Tous à l'abri organise un rassemblement de 16h à 18h, place Jean Jaurès, pour la mise à l'abri de toutes les personnes en demande d'hébergement d'urgence. Le contexte, c'est que y a la trêve hivernale qui arrive dans pas trop longtemps. Les températures qui deviennent très compliquées et encore beaucoup de personnes sans solution d'hébergement. Toutes les infos sont aussi sur le numéro 0. Il y a un communiqué qui a été écrit par le collectif et qu'on va vous lire. À Saint-Étienne, des familles avec et sans enfants des personnes isolées de tout âge se voient refuser ce droit fondamental qu'est l'hébergement d'urgence. Ce sont 450 personnes qui appellent chaque semaine le 115. Ce service départemental n'est plus en mesure de faire son travail à cause de la politique de casse sociale du gouvernement français. Les 1000 places d'hébergement d'urgence dans la Loire sont pourvues. 95% des demandes reçoivent donc une réponse négative. En 2023, 11 personnes ayant appelé le 115 de la Loire pour demander un hébergement d'urgence sont décédées à la rue. Qu'attend la préfecture ? Que la liste s'allonge ? Et que fait-elle pour les sans-enfants à la rue ? Les associations hébergent 600 personnes grâce aux dons privés. Elles sont saturées, les bénévoles épuisés. Solidarité Roms n'existe plus, la maison solidaire n'accueille plus de nouvelles personnes et a acté sa fermeture définitive pour juillet 2025. Par ailleurs, les expulsions s'accélèrent à l'approche de la trêve hivernale. La préfecture prépare son plan hiver. C'est le moment d'exiger d'elle des solutions concrètes et durables afin que tout le monde soit hébergé dignement dans le respect des lois, notamment l'article L345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles et la Convention internationale des droits de l'enfant. La préfecture doit arrêter de déléguer ses responsabilités aux associations et se mettre au travail. Des solutions existent, comme par exemple la réquisition d'une petite partie des 40 000 logements vacants de la Loire et du parc immobilier vide des bailleurs sociaux, 900 logements. Le 13 novembre, venez rencontrer les associations et collectifs, discuter avec les bénévoles, prendre des contacts pour apporter votre soutien aux personnes sans logement et montrer votre désaccord avec la politique meurtrière de la préfecture et du gouvernement. Donc voilà, il y aura des crêpes, il y aura du café zapatiste, il y aura des infusions parce que peut-être il fera un peu froid. Il y aura une table avec plein d'infos de différentes associations d'hébergement. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura un chamboule-tout. Il y aura des sculptures sur ballon. On aura des super camarades. Ouais. Ouais, il y aura du monde à qui parler, carrément. Voilà, donc venez, ça va être super. Et parce que on n'attend pas sagement que la préfecture fasse son travail, on a plutôt envie d'attendre et de pas être très sage. On va lancer une musique d'un groupe local que vous connaissez tous sûrement, ODC, et qui s'appelle Terminé. Terminé. Enfauché. Il croule sous les dettes et il a 6 mois à payer pour le toit qui couvre sa tête. La pression des banquiers en stress 7 jours sur 7. La peur d'être expulsé que les huissiers le racket. Occupé, sa ville, occupé. Propriété finie, vivons nos autonomies. C'était donc terminé du groupe Stéphanois Odyssée et on va passer à la fin de l'agenda. Avec un week-end autour du 20 novembre. Je te laisse présenter, Elsa. Alors, le 20 novembre, c'est le Trans Day of Remembrance, TIDOR. C'est une journée internationale qui commémore et qui est un moment collectif de souvenirs et aussi de lutte quand on repense à toutes les personnes trans mortes dans l'année, mortes à cause de la transphobie, mortes à cause de l'isolement, mortes à cause du non-accès à des soins ou du mauvais accès à des soins, mortes à cause de la discrimination à l'embauche, mortes à cause de la discrimination au logement et de tout, encore beaucoup de choses. Pour ce jour-là, le lobby trans de la Loire organise le 23 novembre, donc 3 jours après, ce sera un samedi, toute une journée à la Gueule Noire avec des concerts, des tables de presse, des discussions, des performances artistiques et aussi une super formation organisée par la CNT, par la section éducation de la CNT sur l'accueil des enfants trans à l'école quand on est travailleur, travailleuse de l'éducation, comment accueillir au mieux les enfants trans, parce que faut pas oublier que quand on parle des trans morts, y en a une bonne partie chaque année qui sont mineurs en fait, et que le suicide des enfants c'est aussi une réalité et que ça peut être lié à de la transphobie, à de l'homophobie également. Voilà, pour rester dans les thèmes joyeux, on enchaîne avec le 25 novembre. Le 25 novembre du coup... journée de lutte contre les violences, notamment les violences faites aux femmes et minorisées de genre. Les FLML 42, donc Femmes Libres, Mouresses, Libresses, ont lancé un appel pour faire une réunion, décider ensemble de ce qu'on allait faire. C'est pas tout à fait terminé, les discussions. Il va y avoir d'autres réunions pour affiner, mais en avant-première, je peux vous dire qu'il y aura sûrement une manifestation le lundi 25 novembre à 18h30 au départ de la place du Peuple, avec l'envie de visibiliser des institutions violentes. Voilà, reprendre un peu l'espace de nuit, reprendre la ville et de faire une manif chouette, co-organisée par plein d'assos, de collectifs de Saint-Étienne. Et les infos seront sur le numéro 0, donc à l'approche de la date, allez voir, vous aurez toutes les infos. Et pour clore cet agenda, un événement le 30 novembre, ce sera à Chambœuf, au Treuil. Le Treuil, c'est globalement le lieu de la Confédération paysanne dans la Loire. Donc, c'est les patrons de gauche de l'agricole. Et du coup, le syndicat CNT du travail, de la terre et de l'environnement, qui sommes le syndicat d'extrême gauche des ouvriers agricoles, On va s'inviter chez eux pour une petite projection débat. On va projeter un film qui parle de l'exploitation des saisonniers agricoles qui s'appelle Fruits amers. Et on va en discuter, essayer de voir les perspectives politiques qu'on peut tirer de ce triste constat, parce qu'on ne va pas se contenter de pleurer sur notre sort, on veut aussi le changer, on veut avant tout le changer. Et en parallèle, on prévoit aussi une projection pour les plus jeunes ou pour... ceux qui veulent, on projettera Pompoko. Voilà, ça va être le 30 novembre à 16h au Treuil, donc à Chambœuf, c'est sur la route de Saint-Galmier, quand on vient de Saint-Étienne. Voilà, venez nombreux, venez nombreuses, ça va être cool, on va bien s'amuser. Et le syndicat du travail de la terre et de l'environnement est très actif, n'hésitez pas à lire nos brochures, elles sont géniales, regardez nos affiches comme elles sont belles et tout. Et on enchaîne donc, maintenant que cet agenda est clos, avec les contacts, parce qu'on est la CNT42, on est donc un syndicat, enfin une union départementale de syndicats, révolutionnaire, anarcho-syndicaliste. Ce qui nous distingue globalement des autres syndicats, c'est quoi ? C'est que nous, on essaie de fonctionner au maximum sans hiérarchie, on n'aime pas trop les chefs, qu'on n'aime pas trop non plus le fait d'être payé à faire du syndicalisme. Pour nous, ça ne doit pas être un métier, ça doit encore moins être un privilège individuel. Et du coup, on refuse les permanents syndicaux. Personne chez nous n'est payé à faire du syndicalisme. On limite au maximum le fait que ce soit les patrons qui nous payent à faire du syndicalisme, d'être détachés, ça on évite aussi. Notre syndicalisme, on le veut autogestionnaire et on le veut pas comme un privilège collectif ou individuel d'ailleurs. Et on le veut surtout révolutionnaire. On n'est pas là seulement pour améliorer nos conditions de travail, mais on est là pour changer totalement les modes de production, pour en finir avec le capitalisme, avec le patriarcat, avec le colonialisme. Et voilà, que vous soyez salarié, que vous soyez étudiant, étudiante, que vous soyez lycéen, lycéenne, vous êtes les bienvenus à la CNT. On ne syndique pas les patrons, patronnes, on ne syndique pas les forces de répression du prolétariat, c'est-à-dire la police et les gardiens de prison. Si vous n'êtes ni policier, ni patron, ni gardien de prison, vous êtes les bienvenus à la CNT. Nous tenons des permanences à la Bourse du Travail de Saint-Étienne tous les vendredis de 17 à 18h. Vous pouvez boire du café Zapatis gratuit. On a hâte de vous y voir et n'hésitez pas sinon à nous envoyer un mail à cnt42@cnt-f.org. Les syndicats CNT de la Loire s'organisaient également dans le cadre d'un comité Femmes Libres, Mujeres Libres, qui est un comité en mixité choisie sans hommes cis, qui se donne pour objectif de lutter contre le patriarcat avec, en s'organisant au sein de nos syndicats, au sein de notre union départementale. On tient des permanences, destinées aux personnes qui soit souhaitent nous rencontrer pour faire des choses avec nous, militer, soit qui vivent des situations de violence patriarcale, qui ont besoin d'en parler, d'y voir plus clair, etc. Les permanences pour le mois de novembre, ce sera le mercredi 13 novembre de 10h à midi à la 15 bis à la Bourse du Travail et le mardi 26 de 14h à 16h. Je me suis trompée. Je crois que celle du 13, elle est annulée. Donc c'est l'occasion de vous dire, parce qu'on n'a pas réussi à changer la date sur le numéro 0, le 13 novembre, il n'y aura pas de perm. C'est juste, c'est exceptionnel, ça reprendra après tout normalement. Du coup, la prochaine, c'est le 26 novembre, c'est ça ? Je crois, oui. 26 novembre de 14h à 16h, mais sinon, si c'est un horaire qui n'est pas arrangeant pour vous, vous pouvez toujours nous envoyer un mail. Il y a les contacts sur le numéro 0 et aussi sur le site internet de la CNT42. Vous pouvez également laisser un message téléphonique sur le téléphone, sur le répondeur téléphonique. Il y a les contacts également sur le site du numéro 0 et sur le site de la CNT42. Et voilà, merci de nous avoir écoutés et au mois prochain sur Radio Dieu 89.5 ou sur radiodieu.org pour la prochaine émission de Cœur Noir Tripalium. N'oubliez pas, faites la grève, bonne lutte.